Voici l'humeur de Monsieur Guillermo Guiz. Hola. Hey, cabron. Bonjour les amis. Ah, alors vous me connaissez, je suis ce qu'on appelle sur le déclin. Déjà. Oui, en avril, j'ai eu que 2 nouveaux likes sur ma page Facebook. C'est moins que la fanpage de Tuc, vraiment. Alors que c'est pas le meilleur des biscuits du circuit, honnêtement. Ah. Je l'ai vu au salon de l'alimentation salée, je lui ai dit franchement, Tuc, honnêtement, toi-même, tu sais, t'es sec. Il m'a dit, ouais, si tu veux, j'aimerais bien avoir ne fût-ce qu'un rebord de chocolat. Mais... Bref, d'après mes calculs, ma carrière devrait donc s'éteindre avant la chute de la dernière dent de Daniel Morin, fin juin, mi-juillet, plus loin, d'après les dernières statistiques des équipes techniques de chez Sansodyne. Mais je le dis, sans amertume, ne jamais devenir une star me permettra au moins de ne jamais déraper comme une star. On se rappelle notamment des propos polémiques de Nagui qui avait déclaré que même si on lui offrait, il ne voudrait pas d'un enfant roux. malgré son admiration. Malgré son admiration pour le fromage de type mimolette. Alors, vraiment des propos terribles qui valurent à Nagui d'être condamné par le CSA à présenter une émission d'accueil sur une radio communiste, entourée d'une équipe de pense-misère à la solde d'un chanoine spécialisé dans les phénomènes de puberté naissante. Pas vrai, Père Albert ? Merci. D'accord, c'est le risque. Évidemment, quand tu atteins une notoriété aussi extrême, évidemment, chacune de tes sorties publiques prend des proportions irrationnelles. Regardez Kanye West, par exemple, le Nagui noir. Eh bien, il a affolé tout le monde en soutenant Trump, puis en déclarant que 400 ans d'esclavage, ça ressemblait à un choix. Alors, je resitue Kanye West pour les auditeurs de France Inter qui, sur le plan musical, se remettent à peine de l'ouragan Gilbert Bécaud et qui ne voient toujours pas où on doit passer l'aiguille, finalement, de ce fichu lecteur CD qu'on leur a offert. Mais c'est combien de tours? C'est finalement 33, 78. Ouais. Eh bien, Kanye West fait du rap. Le rap, c'est la musique que font les jeunes et I am. Et Kanye West est un rappeur fantastique d'ailleurs. T'as compris la vanne, c'est bien, ça va bien. Merci Leïla. Merci Kanye. Mais Kanye West manque évidemment, pour son malheur, de confiance en lui. On a beau lui dire c'est bien ce que tu fais, Kanye. Non, je ne vaux rien, je suis le nouveau Ménélic. J'ai tout pompé à Mano. Même Guillermo Guiz a plus de likes que moi sur Facebook, etc. Encore un drame de l'autodénigrement finalement. Alors, Kanye West, il a un égo difficile à décrire avec des mots issus de la francophonie. Kanye, t'as l'impression que Emmanuel Macron et Laurent Delahousse ont eu un fils. Et qu'ils lui ont dit tous les matins, t'es encore plus incroyable que tes papas. Alors que franchement, nous on est déjà incroyables. Franchement, je sais pas si t'as déjà regardé la télé, mais nous on est tellement. C'est incroyable qu'on est incroyable. Oh, allez, ne range pas ta chambre, Kanye Macrouse. Tu vaux tellement mieux que ça. Vraiment, non, vraiment. Le problème de Kanye, c'est pas tellement qu'il soit vaniteux. La vanité, c'est humain. Qui n'a jamais envoyé autour de cette table une dick pic à Leïla pour l'impressionner? Allez, franchement. Moi. Non, le problème. No comment. Le problème pour Kanye, évidemment, c'est qu'il n'a pas encore atteint ce que j'appelle le point Gérard Depardieu. Évidemment, au début, Gérard Depardieu, il faisait des déclarations choc, hyper politiquement incorrectes, et tout le monde était là. Non, Depardieu, il a dit que Poutine, il faisait bien les tartatins, etc. Arrête, il va se naturaliser albanais. T'es sérieux, Depardieu, il mange du singe et tout. Bah, tu vois, il y avait un truc vraiment. C'est vrai, au début, tout le monde était là. Aujourd'hui, c'est passé. Tout le monde s'en branle de ces déclarations fracassantes. Aujourd'hui, au mieux, t'as une demi-colonne dans cholestérol hebdo, là, avec, entre l'horoscope et les résultats du Keno. Tu vois, t'as Gérard Depardieu va financer lui-même le programme nucléaire iranien. Tu vois, les gens sont là, ouais, c'est Gérard, quoi. Tu vois, faut le laisser s'amuser, hein, tu vois. Aujourd'hui, Gégé, c'est un peu un oncle, un peu farfelu comme ça. Tiens, pareil pour Omar Sy, évidemment, quand il a déclaré Laurent Wauquiez est le seul véritable espoir pour une France qui gagne. Ça n'a jamais fait exploser les adhésions. N'importe quoi. Kanye, il est pas, Kanye West, il est pas encore là. Quand il soutient Trump ou quand il parle d'esclavage, les gens lui donnent encore de l'importance finalement. Ce qui est absurde, parce que c'est pas un historien forcément de l'esclavage. Je dis, pour un vrai avis sur l'esclavage, je conseille plutôt d'écouter R. Kelly, qui apparemment a vraiment des esclaves à la maison. Je dis pas que c'est bien, je dis juste qu'au moins R, il s'y connaît. Toujours écouter les vrais spécialistes. Allez, bonne émission, les amis. Bravo. Merci, Guillermo. Bravo.